Elle songe, elle rêve. Et tant de pauvreté. Ses petits vont pieds nus, l'hiver comme l'été. Pas de pain de froment. On mange du pain d'orge. Ô Dieu, le vent rugit comme un soufflet de forge. La côte fait le bruit d'une enclume. On croit voir les constellations fuir dans l'ouragan noir comme les tourbillons d'étincelles de l'âtre. C'est l'heure où, gais danseur, minuit, rit et folâtre sous le loup de satin qui illumine ses yeux. Et c'est l'heure où, minuit, brigand mystérieux, voilé d'ombre et de pluie et le front dans la bise, prend un pauvre marin frissonnant et le brise au rocher monstrueux apparu brusquement. Horreur! L'homme, dont l'onde éteint le hurlement, s'enfondre et s'enfoncer le bâtiment qui plonge. Il sent s'ouvrir sous lui l'ombre et l'abîme et songe au vieil anneau de fer du quai plein de soleil. Ses mornes visions troublent son cœur, pareil à la nuit. Elle tremble et pleure.